capitaine de Saint-Malo. Ali, Ali. Tu fais la pêche au cachalot. Ali, Ali, Ali, allô. Ali, Ali. Il a trois filles qui font la peau. Ali, Ali. La première à Valparaiso. Ali, Ali, Ali, allô. Ali, Ali. La deuxième à Rio Jan. Chapitre premier. Où Quimper, Corentin, établit l'importance de sa maison et rend compte des particularités qui accompagnèrent sa naissance. Je suis donc né à bord d'une goélette, en terre ferme, ce qui est déjà étonnant, la place d'un navire étant au sein des flots. Mon père travaillait en qualité de calfat dans les chantiers de M. Surcouf, le plus fin marin qu'on ait jamais vu. Si vous ne savez pas l'histoire de M. Surcouf, ça ne fait pas l'éloge de vos connaissances. Demandez-la aux Anglais. Ma mère avait été la nourrice du petit dernier, toujours chez M. Surcouf. C'était une Le Goff du bourg de Paramé. Elle faisait le commerce des châtaignes de Dole, à côté de quoi les fameux marrons de Lyon ne sont que des pépins. Vous allez voir si elle avait les reins solides. Un jour, il arriva un sac de ces châtaignes, si gros et si lourd que personne ne pouvait le porter au magasin. Ils étaient là du joli monde assez, des Terre-Neuvasses, des douaniers, des fraudeurs et le voiturier de Dole, qui se vantait de manier à bout de bras l'essieu de sa charrette. Ils vinrent tâter le sac les uns après les autres. Mais pas de danger, sans maman Quimper, le sac y serait encore. Elle prit le sac sans faire d'embarras et le jeta sur son dos comme une pochée d'étoupe. Pour être solide sur ma quille, j'ai de qui tenir. Maman Quimper était bien connue à Saint-Malo, à Saint-Servant et jusqu'à Jersey pour avoir lancé à l'eau par-dessus quai, un soir de marée, trois canonniers gradés qui essayaient de la regarder sous le nez où elle avait de la barbe. Papa Quimper allait juste au menton de maman. C'était un petit homme de là-bas, en Basse-Bretagne, fin comme l'ambre et plus rusé encore que ceux de Landerneau. Il faisait la soupe, berçait les enfants et ravaudait les bas, pendant que maman gouvernait la barque. C'était un joli ménage chez nous. Mais expliquons un peu l'affaire de la goélette, à bord de quoi je naquis en terre ferme. S'il vous plaît, elle avait été navire de guerre, portant ses 24 canons en batterie. C'était le fameux brick anglais de Liverpool, capturé sur les brasses du Bengale par M. Surcouf du temps de la Grande Guerre. L'histoire ne sera pas longue à raconter. Ils étaient quatre Bretons dans un sabot de barcaille qui allait au gré de misère après le naufrage des trois sœurs de Saint-Malo. M. Surcouf, un matelot, le pilotin et le mousse. Ils n'avaient ni pain, ni eau, ni tabac, ni rien. Le matelot dit, en voyant le brick qui avait l'air de se promener grand large, « Voilà des rosbifs qui vont nous magasiner prisonniers à fond de cale. Tant mieux, on aura enfin une croûte à manger. » Monsieur Surcouf répondit, « Les prisonniers, c'est moi qui les fais, et nous ne mangerons que notre soupe. Il me pousse une idée de Marseille et la bagasse. » Attention à la manœuvre, cet oiseau-là, nous allons la mariner. » En conséquence de quoi il accosta l'anglais poliment et monta dessus bord avec son matelot, son pilotin et son mousse. Les rosbifs étaient plus de 100, il ne se méfiait pas. À la fraîche, qui veut boire? Monsieur Surcouf coupa dans le tas, les autres aussi. 1 contre 25, et allez donc! Les rosbifs s'affalèrent dans l'entrepont. On leur cloua la grande écoutille sur l'œil et l'anglais fut ramené à Brest avec 109 prisonniers par 2 hommes et 2 enfants. Voilà comme nous sommes à Saint-Malo, beau port de mer. Et la preuve que c'est vrai, c'est que j'ai reçu le jour sur le brick de Liverpool en France et non pas en Angleterre, d'où il était né natif comme la pluie, le brouillard et les poitrinaires. Pendant des années, le brick qu'on avait gréé en goélette et baptisé la jeune Émilie, rapport à une tante de M. Surcouf qui était Émilie aussi, mais pas jeune, fit la pêche de la morue à Terre-Neuve. La jeune Émilie revint de son dernier voyage, percée comme une planche à bouteille, et on la laissa à l'écurie, la pauvre haridelle de bois. Elle était échouée là, contre le sillon, en haut de la petite grève, bâillant au soleil par toutes ses coutures et servant de magasin aux rats. Maman Quimper la regardait souvent du coin de l'œil. À force de la regarder, elle eut une bonne idée, vous allez voir. Elle aborda M. Surcouf un soir qu'il remontait de Saint-Malo à ses chantiers du Talard, en Saint-Servant, et lui dit « N'empêche qu'il n'y en a pas encore épais parmi les fainéants des deux villes pour marcher si droit que vous, frais comme la rose et les mains dans les poches, capitaine. Je suis la nourrice de votre petit dernier, Madelon Le Goff, femme Quimper, et j'aurai l'ambition de m'établir dans mon commerce, honnêtement, si vous voulez. » Monsieur Surcouf la regarda. « Madeleine, lui dit-il, je te reconnais bien, Maluronne. Établis-toi, nom d'une pipe à la broche. Établis-toi tant que tu voudras. Je te donne mon consentement et ma bénédiction, sale femme. Laisse-moi mon chemin que je passe. » Cette expression de sale femme est empruntée au patois des marins bretons et n'a rien d'offensant. C'était par façon de politesse qu'il l'appelait sale femme, car il n'était pas fier. « Voilà donc qui va bien, » répondit maman Quimper en faisant la révérence. « Dans ce cas-là, puisque c'est un effet de votre complaisance, faudra déménager la jeune Émilie demain au matin pour que je m'y arrime mon ménage avec mes marchandises. » Monsieur Surcouf avait bon cœur, c'est connu, quoique mal embouché et jurant comme un trancheur de morue. Il s'arrêta et s'assit sur le parapet du sillon, les pieds pendants, pour dire « Sale femme, maman Quimper ne se fâcha pas plus cette fois que l'autre. La jeune Émilie est mon magasin, si je te le cède. Où veux-tu que je mette mon bray, ma ferraille et ma filasse ?»« Où vous voudrez, monsieur Surcouf ?» répondit ma mère. « J'ai 10 enfants et je suis en route pour attraper le 11e qui me tombe du ciel. »« Je te vois venir. Tu veux faire des gros sous avec mon vieux bois, mais je n'entends pas qu'on dépaisse ce bateau-là qui appartient à l'histoire. »« Et à la gloire !» s'écria maman Quimper. « Mort de mes choux, au lieu de le dépecer, bien du contraire, on veut le rafistoler, le requinquer, le renluminer, quoi !» Plus brave et plus reluisant que le jour où vous avez monté à bord de lui pour enclouer les Anglais dans leur soute et les ramener comme des jambons fumés. Ce sera une auberge, Voyadeloup de Marseille. Et les marins viendront y boire à la santé de je sais bien qui, car elle aura une tabatière gréée en brique, ma parole, et toute pleine de godame avec ses mots en rouge écrits à la bonne prise de Monsieur Surcouf. Il avait de beaux yeux, oui, quand il souriait, le capitaine. Il sourit. « Tu as de l'esprit, » dit-il, « Madeleine. Combien vas-tu me payer ces vilaines planches-là qui ne valent pas un écu ?» Maman Quimper prit les coins de son tablier, disant « Je vous donnerai ce que vous voudrez, monsieur Surcouf de Riencourt. Vous êtes riche presque autant que vous êtes grand. Nous autres, nous n'avons pas le sou à la maison. » Mais votre petit crie encore après sa maman Madeleine, qui est moi. Allons chez le notaire, nous deux, voulez-vous ? » Monsieur Surcouf se mit à rire tout à fait, et enfila un demi-cent de jurons que tous les moulins à vent du sillon en tournèrent. Ce n'est pas péché dans la marine. Après quoi, il conclut. Sale femme, on te donne la vieille pantoufle pour un sac de beau marron qui te sera payé 6 écus de 6 livres pour aider aux réparations, et dont tu viendras manger ta part à la cuisine en buvant un pot de mon cidre. Va-t'en au diable voir s'il n'a pas emporté ma tante. » Maman Quimper n'y alla point, crainte d'être obligée de la rapporter. Voilà donc que papa Quimper s'en revenait bien tranquillement du chantier à son heure, en comptant les pavés tout le long du chemin. Maman était si joyeuse qu'elle lui lança un coup de pied d'amitié, je sais bien où, avant de le forcer à danser carmagnole tout autour de la jeune Émilie. En dansant, elle chantait sur un air de cabestan. « Oh et la houp, grenier au second, oh et la houp, boutique au premier, oh et la houp, buvette en bas, oh et fricot partout, et oh houp, et fortune faite !»« À qui tout ça ?» demandait papa Quimper abasourdi. Le grenier, la boutique et la buvette ? Maman s'arrêta de danser pour crier. Tout ça, c'est à nous, comme qui dirait à moi. J'ai gagné le gros lot. Tu n'es pas encore parti, toi ? Va piquer tes lignes en grand grève sur fond de sable blanc. Et si tu n'as pas demain un bar long comme moi à porter chez Monsieur Surcouf, je me fais veuve. Ce fut ainsi que nous eûmes la jeune Émilie de 400 tonneaux pour un sac de châtaignes. Avec les 6 écus de 6 livres de Monsieur Surcouf, ma mère en fit tout bonnement un palais. Papa Quimper donna d'abord, du haut en bas, une couche de coltard épaisse et bien torchée, après avoir forcé du vieux filin dans toutes les jointures. Tonton Piteux vint ensuite avec 3 pots de couleur. Vous saurez qu'un tonton chez nous, c'est un oncle. On encadra de rouge les sabords, on marqua en vert pomme la ligne de flottaison, et le buste d'anglaise qui décorait la poulaine fut peint en jaune, sauf les cheveux qui finirent le pot de rouge. Sans la toiture en sapin goudronné qui lui donnait un faux air de l'arche de Noé, la jeune Émilie aurait pu passer pour une de ces effrontées patâches où les émigrants d'Allemagne pleurent des chansons de cimetière sur la route de l'Amérique. Ils font bien de chanter en chemin, ceux-là. Pourquoi ? Parce que, au bout du chemin, on pleure. La buvette fut établie dans la cale largement éventrée et donnant de plein pied sur le sillon, qui est maintenant la grande route de Saint-Malo à Paramé. De tous côtés, on accourait voir l'enseigne à la bonne prise, et M. Surcouf ne passait jamais sans la mirer de son bon œil, car elle était bellement fignolée et venait de chez un vitrier. Le magasin occupait l'entrepont. Nous avions notre logement sur le pont, qui était toute une maison, et maman y louait, en outre, des cabines aux retraités du port. On montait dans cette forteresse au moyen d'une échelle qui était retirée militairement au premier son de la retraite. Tant pis pour ceux qui restaient dehors. On n'avait pas le droit de s'attarder ailleurs qu'au cabaret de maman. Elle avait le caractère doux, mais mâle, et ne plaisantait pas quand il s'agissait de son commerce. Dans ses discussions avec ses locataires, elle leur donnait, comme elle le disait, du tabac. S'il y avait récidive, elle leur procurait de l'avancement, et pour peu qu'ils ne fussent pas corrigés par ces 2 épreuves, elle employait la justice de paix. Le tabac, l'avancement et la justice de paix formaient 3 catégories de coups de poing, ou plutôt, c'était le même coup de poing au positif, au comparatif et au superlatif. Vous voyez bien que je pourrais parler à volonté comme les grammaires. Le tabac faisait des marques sur le corps. L'avancement appelait l'apothicaire. Après la justice de paix, il fallait un lit à l'hôpital. Papa Quimper aurait mieux aimé se noyer que de faire du chagrin à sa femme, qui pourtant ne l'avait battue qu'une fois pour de bon. Elle avait juste 4 ans et 4 pouces de plus que lui. Aussi le surveillait-elle ouvertement comme ses autres petits, et c'était pour son bien. Voici à quelle occasion il avait obtenu d'elle un cadeau qui doit être placé dans l'échelle des récompenses entre le tabac et l'avancement. Papa Quimper avait de bonnes mœurs, mais il était sur sa bouche. Un soir, on vint dire à maman que 3 matelots de l'Auguste Adolphe étaient en train d'assommer son petit homme au cabaret du Puits sans vin derrière la poissonnerie. Bonté de Dieu ! La voilà partie avec un maillet de calfa. Elle arriva au cabaret comme le mascaret entrant rivière de Rouen. Papa Quimper et les 3 matelots, déjà réconciliés, trinquaient ensemble. Mais papa avait une bosse au front et un trou sous l'œil. Maman ferma la porte au verrou. Jamais elle ne se dérangeait pour rien. Papa Quimper, tremblant de tous ses membres, voulut la calmer. Elle le lança tout pantois jusqu'à l'autre bout de la chambre, à travers les escabelles renversées. Les 3 matelots essayèrent de sauter par les fenêtres. Elle les ferma. « Mes enfants, dit-elle, le tabac est cher, ne faut pas le perdre. L'avancement n'y en a plus, rapport aux protections. Aujourd'hui, je vais vous tailler de la justice de paix à la trempette. » Après avoir reproché aux matelots leur conduite à l'égard de son pauvre chéri, elle prit le plus vivant d'entre eux par le nez, insulte terrible dans les ports de mer, et serra si vigoureusement que le malheureux, geignant et nasillant, fut obligé de se mettre à quatre pattes. Papa Quimper se cacha sous la table. « Même manœuvre, les autres !» commanda ma mère, qui fit le mouvement avec son maillet. Il y a de la chevalerie chez les matelots. Ceux de l'Auguste Adolphe n'osèrent pas se réunir trois contre une dame. C'était bien, mais alors il fallait faire à la fantaisie de maman. Pas de milieu, l'obéissance ou l'abordage. Il paraît que l'obéissance ne vint pas assez vite, car maman se fâcha tout rouge et le cabaret s'emplit d'un million de chandelles, si bien que les matelots demandèrent grâce, moitié riant, moitié hurlant. Ils consentirent à embrasser le maillet. Maman leur permit de lui payer la goutte. C'était fini. Restait seulement à savoir le motif de la bagarre. Ce fut alors que papa Quimper recommanda son âme à tous les saints sous sa table. En effet, la querelle était venue parce que les autres avaient voulu venir chez nous boire du cidre de maman et que papa avait répondu « Il est meilleur au puits sans vin ». Vous figurez-vous bien cela ? Papa, le mari de maman, trahir le cidre de notre buvette ? Certes, il avait tort, mais on le rapporta à la maison sur une civière et il fut trois semaines sans bouger de son lit où maman lui chauffait de la tisane du matin jusqu'au soir. J'ai bien souvent pensé, plus tard, aux princes qui épousent des reines. Bon état, mais pas commode. Papa, du reste, avait un moyen sûr d'amadouer sa reine. C'était d'établir la généalogie des Quimpers. Maman mettait là-dedans son orgueil, et il y avait de quoi. Car aussi vrai que Saint-Servant n'est pas digne de cirer les souliers de Saint-Malo, notre origine se perdait dans la nuit des temps. Nous existions avant Rieux et Rohan, qui datent d'avant le déluge, et il y avait un Quimper du nom de Corentin qui vendait déjà du tafia aux bonnes gens de la croisade. Je dis du tafia, mais c'était peut-être du rikiki, et je m'en moque. Le fait certain, c'est que les Quimpers venaient de la Basse-Bretagne. À l'époque de Saint-Corentin et de Saint-Guénolé, les Quimpers armaient déjà des cabotaines au port de Concarneau pour porter la sardine aux Nantais. Papa disait que Saint-Guénolé et Saint-Corentin étaient tous deux des Quimpers qui avaient commencé dans le commerce avant de monter évêque. Dans la famille, on n'avait jamais moins de cinq garçons bien plantés et de bonne venue. Nous suivions la coutume du pays de Quintin les Tisserands, où le minou, cadet, est chef de nom et d'armes. L'aîné de chez nous devait s'appeler Brieux, le second Malo, le troisième Jagu, tous saints de Bretagne. Ils restaient à la maison, mais le quatrième prenait déjà de l'importance. C'était un guénolé. On le mettait d'église. Le cinquième avait nom Corentin, marqué pour le commerce, et rien ne lui résistait. C'était réglé depuis le matin du monde. Papa, n'étant qu'un simple Jagu, n'avait pas fait fortune. Maman Quimper avait déjà ses quatre premiers gars, Brieux, Malo, Jagu et Guénolé, plus six demoiselles qui allaient pieds nus dans les roches pêcher des bigorneaux pour les Anglaises de Saint-Servant. Le 27 août 1825, à 6 heures du soir, bonne brise du sud sur Roye, marée haute en morte eau, maman, pour la 11e fois, mit quelqu'un au monde. Elle envoya chercher Tantine Le Goff, gardienne du cimetière, qui n'était pas reçue par la faculté, mais qui savait soulager les chevaux malades. Pour soigner une dame, tante Le Goff valait n'importe quel chirurgien de marine. Elle arriva juste à temps pour me donner la main comme je tombais, tête première, dans cette vallée de misère. J'étais le cinquième gars. Papa dit en apportant une tasse de Mikamo à maman, « Voilà un Corentin, madame Quimper, sa fortune est faite. » Le Mikamo est ce qu'on appelle en d'autres pays du Gloria. Maman le but avant de me regarder. Elle me trouva si fort et si vif qu'elle voulut inviter les voisins à boire chacun une chopine de cidre à ma santé. À Saint-Malo, quand il est question de chopine, on trouve des voisins qui demeurent jusque dans les côtes du Nord. La chambre fut bientôt pleine d'amis inconnus qui dansaient en chantant comme des tigres. La jeune Émilie en avait vu bien d'autres en son bon temps. Mesdames, elle était maintenant plus vermoulue qu'un cercueil. Pendant qu'on dansait, le plancher s'effondra en grand, avant qu'on puisse seulement crier « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Moi, je ne l'ai pas vu. Mais papa Quimper en riait encore après la révolution de 1830. Patatras ! Il y eut assez de côtes cassées et de bon cidre perdu. Mais ne vous imaginez pas que j'eus du mal, non. Le lit de maman tomba d'aplomb à l'étage au-dessous, les quatre pieds calés par quatre sacs de châtaignes. Quand elle vit cela, maman Quimper me leva au-dessus de sa tête en triomphe, et de Saint-Servant on l'entendit qui criait « Un coup à boire !» Le nez du papa s'est trouvé sous un talon de botte, mais voyez la chance du petit. Dès aujourd'hui, je le mets dans le commerce. On a remarqué que la naissance des personnes qui doivent s'élever au-dessus du commun est généralement entourée de circonstances extraordinaires, mais pas si étonnantes que celle-là. J'en ai fait mention pour vous préparer à tous les hasards de ma carrière.